s'exprime sur Fadjet, présenté par l'association Coexister Nancy. Bonjour et bienvenue sur Coexprime, une émission d'échange entre jeunes de différentes convictions. Je suis Maxime, votre animateur. Aujourd'hui, vis-à-vis de l'actualité, on a décidé de faire une émission autour du thème de la violence. Donc je suis avec Éléonore. Bonjour. Et Audrey. Salut. Pour vous déjà, qu'est-ce que la violence ? Alors du coup, moi je pensais pas... Enfin, donner la définition du MELS, donc le ministère d'éducation... loisirs et sport, parce que je trouve que c'est une super bonne définition. Du coup, si je lis en gros, toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée intentionnellement contre une personne ayant pour effet d'engendrer des sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de l'opprimer en s'attaquant à son intégrité ou à son bien-être psychologique, physique, à ses droits ou à ses biens. Bon, c'est un peu long. Mais je trouve qu'elle est ultra complète parce que on parle à la fois des différentes formes que peut prendre la violence. Donc c'est pour ça qu'en général, on parle des violences. En fait, en général, quand on pense à violence, on pense directement à la forme physique. Et pour moi, il y a des formes qui sont beaucoup plus sournoises et tout aussi fortes, qui sont verbales, psychologiques et qu'il ne faut pas sous-estimer, au contraire. Donc voilà, et puis il y a aussi le fait de passer pas forcément directement par la personne, mais par ses biens, par son intégrité, l'image qu'elle peut avoir, etc. Donc voilà, je trouve que la définition est assez complète pour moi de ce ministère. Oui, je trouve aussi que c'est vraiment assez complet, et puis ça montre aussi qu'il n'y a pas que la violence physique, et que, par exemple, la violence psychologique, c'est quelque chose qui est pas assez représenté, on va dire, et pourtant c'est une grande partie des choses, et ça peut même potentiellement détruire plus que de la violence physique, quoi. Mmh, totalement. Bah, pour moi, la violence, c'est une atteinte à l'intégrité de la personne, donc que ce soit par des moyens physiques, par des moyens verbales. Et pour moi, la violence, elle a pour but de porter atteinte à la personne. Et ça peut être, comme Éléonore l'a rappelé, par divers moyens. Et vous pensez pas qu'il y a des moments où la violence est justifiée ? Moi, pour ma part, je pense que non. Je pense que la violence, elle est jamais justifiée. Parce que à chaque fois qu'on regarde les résultats de la violence, c'est jamais positif. Enfin, on n'aboutit jamais à du dialogue, on n'aboutit jamais à quelque chose de positif. Donc finalement, la violence, c'est juste une solution de facilité. Mais non, je pense pas qu'on puisse la justifier, que ce soit de la violence physique, la violence verbale. Et même dans les cas où le dialogue n'a pas fonctionné, par exemple ? Bah, si le dialogue n'a pas fonctionné, ça veut peut-être dire qu'il faut essayer de trouver une autre solution, mais... Mais la violence, à part les cas autorisés par la loi, c'est-à-dire la légitime défense, à part ces cas-là, non, je vois pas. Pour moi, ça reste quelque chose de bête, en fait, la violence, c'est tout. D'accord. Et toi, Léonore, moi, je suis assez d'accord avec Audrey. C'est vrai que je sais, enfin, je suis consciente que j'ai une vision un petit peu extrême. Enfin, on en parlera un peu plus tard de notre rapport à la violence. Mais pour moi, de toutes les situations que j'ai vues, à part, bien évidemment, la légitime défense, où là, le terme l'indique, c'est légitime. Vraiment, dans toutes les situations que j'ai vues, la violence résolvait rien, ou alors ça passait par une phase qui renforçait tous les problèmes. Et pour moi, il y a toujours des solutions non violentes qui peuvent être mises en place. C'est plus long, c'est plus compliqué, j'en suis totalement consciente, mais... Je suis persuadée au fond de moi qu'on peut toujours trouver des solutions non violentes. Et vous pensez pas qu'il y a certaines personnes qui peuvent comprendre que par ce moyen-là, que ce qu'elles font, ça fait du mal, et que du coup, il faut leur montrer ce que ça fait ? J'y crois pas. Je peux comprendre, mais moi, j'y crois pas parce que, en fait, justement, en fait, enfin, c'est plus efficace. C'est sûr que c'est une manière qui va faire que ça va peut-être fonctionner sur le moment. Sauf que du coup, pour moi, c'est juste un espèce de conditionnement de on passe par la force et il n'y a que ça qui fonctionne. Et j'ai l'impression que si ces personnes-là, elles n'entendent que ça, c'est parce qu'elles ne sont pas passées par des solutions, qu'on ne leur a pas proposé des solutions de dialogue, d'écoute, etc. Quand on voit les émissions, Pascal le grand frère, etc. Alors il y a des moments où il va monter la voix ou machin, mais dans tous les cas, ça va quand même... se trouver, enfin, il va toujours trouver des solutions par le dialogue et par bien sûr une position de force, mais sans passer forcément par de la violence. Et pour moi, c'est aussi une preuve qu'on peut quand même trouver des solutions, même face à des personnes qui ont l'habitude d'entendre la violence. Bah, une personne qui comprend que la violence, ça veut dire qu'elle a été éduquée que par de la violence et qu'elle a baigné dans un environnement souvent ultra-violent. Et c'est malheureux, en fait. Et c'est des schémas qui se reproduisent. Mais voilà, une personne qui va entendre que la violence, c'est souvent un problème derrière d'éducation. Et c'est des cercles vicieux qui se mettent en place en général. Oui, c'est sûr qu'en général, la violence, ça se développe avec ton éducation, quoi. C'est au fil de ton enfance, etc., ça se développe. Et puis tu finis par trouver cette solution parce que t'as pas appris à bien communiquer, à bien parler avec les gens, à exprimer tes émotions, etc. Oui, totalement. Après, je crache pas sur l'idée que y a des moments donnés, tu veux agir efficacement. Le plus simple, c'est juste, je sais pas moi, foutre une gifle à quelqu'un ou le bousculer un petit peu. Je peux comprendre que ça soit plus simple, mais pour moi, c'est pas la meilleure solution dans mon monde idéal. Oui, c'est sûr. Voilà. Après, faut pas se contenter de la facilité. Faut quand même essayer de réfléchir un peu plus loin, enfin de voir un peu plus loin, et puis de se poser, pas de réagir en étant impulsif, quoi. Ouais, c'est ça. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre la violence ? Moi, je pense que la première façon de lutter contre la violence, c'est déjà l'éducation. C'est la façon dont on va éduquer ses enfants, dont les enfants sont sensibilisés aussi au dialogue, enfin à toutes les solutions qui sont possibles de mettre en place, autres que la violence, pour répondre à des situations complexes. Je pense qu'il existe aussi maintenant assez d'associations d'éducation populaire pour pouvoir faire un travail en amont avec les enfants. Un travail de sensibilisation à la violence et de montrer en fait qu'il existe des solutions de dialogue, des solutions de coexistence, hein, puisqu'on a coexisté. Nous, à coexister, on le fait par exemple avec notre modèle de coexistence active, voilà, qui est une alternative à la violence. Donc voilà, je pense que c'est important de montrer qu'il existe des alternatives diverses et variées. Si tu peux un peu préciser le terme coexistence active. Alors, la coexistence active, c'est assez long à définir, mais pour faire bref, en fait, ce serait un modèle idéal dans lequel chacun trouve sa place, dans lequel chacun peut affirmer son identité en laissant l'autre affirmer aussi son identité. Donc, c'est le contraire de l'indifférence et de ce qu'on peut appeler aussi l'assimilation. C'est chacun montre son identité en trouvant des compromis, en trouvant une manière d'écouter l'autre, d'entendre l'autre. Ça permet d'éviter des conflits, ça permet à chacun de pouvoir s'affirmer. Ouais, si je peux compléter ce que précisait Audrey. Du coup, dans la coexistence active, il y a vraiment aussi cette notion d'active. C'est-à-dire qu'on va agir ensemble, en fait. L'idée, c'est pas juste rester chacun chez soi et on se tolère et voilà. C'est d'aller au-delà, d'aller vers la rencontre, vers la compréhension de l'autre et vraiment de monter un projet ensemble, de favoriser vraiment un vivre ensemble en créant des liens d'amitié, tout ça. Et du coup, c'est ce qu'on dit aussi, c'est un parcours, c'est un chemin à faire. Pour avancer vers la coexistence active, c'est quelque chose qui est compliqué, on le sait, mais c'est quelque chose, on le sait, qui est aussi la meilleure solution et celle qui fonctionne le mieux, en fait. C'est plus que de la tolérance, quoi, c'est du vivre ensemble. Exactement. Ouais, c'est ça. Très bien. Et vous, plus particulièrement, quel est votre rapport avec la violence ? Du coup, moi, je le disais un peu tout à l'heure, j'ai une vision un peu extrême contre la violence parce que j'ai grandi dans un milieu qui est assez protégé. Mes parents, ils ont fait partie de la MAN, donc du mouvement d'action non violent. Donc ils m'ont élevée dans la communication non violente. J'ai jamais reçu une baffe, une fessée, c'était impossible. Et du coup, comme j'ai grandi dans cet univers-là qui était surprotégé, entre guillemets, pour moi, j'ai toujours appris à grandir en trouvant des solutions autres, alternatives à la violence. Et après, bien évidemment, j'ai assisté à des scènes de violence. Enfin, je vis quand même dans le monde réel. Donc, je les vois même peut-être plus que les autres parce que j'y suis aussi très sensible. Mais pour moi, c'est toujours difficile de faire face à une situation de violence. Enfin, c'est voilà, j'y suis très sensible en tout cas. Bah, moi, je dirais que la violence, c'est vraiment quelque chose que, enfin, qui fait pas partie de mon quotidien parce que je suis pas spécialement une personne qui est violente. Voilà, je j'ai pas grandi dans un environnement violent non plus. Enfin, comme Éléonore, voilà, j'ai eu la chance d'être protégée de ça aussi. Par rapport à mes convictions personnelles, c'est aussi quelque chose que, enfin, qui me dérange aussi beaucoup parce que, enfin, je vois jamais finalement la finalité de la violence. Pour moi, c'est pas une solution en soi. C'est vraiment quelque chose qu'on met en place par défaut parce que ça va vite, parce que c'est facile. Et puis voilà. Enfin, par exemple, quand je vois des gens se battre dans la rue, je trouve juste ça bête en fait parce que. Enfin, je dis pas ça pour être méprisante, mais je trouve juste ça bête parce que c'est juste quelque chose qui est mis en place rapidement, comme ça, vite fait, et personne cherche à comprendre vraiment le pourquoi du comment, et on n'avance pas en faisant ça. Enfin, si tout le monde se comporte comme ça, le monde avance jamais. Et en soi, la violence, ça peut être un mécanisme de défense, comme on peut en avoir plein, qui peut être conditionné, mais après, faut savoir passer au-dessus et essayer de réfléchir un peu plus loin pas amener la violence directement. Ouais, je trouve que l'exemple d'Audrey qui parle de personnes qui se battent dans la rue, par exemple, on pense par exemple en soirée où on a bu un petit verre de trop et puis bah d'un coup j'ai envie de me battre ou quoi. Enfin, moi ça m'arrive pas, mais voilà. Mais en fait, je trouve que c'est un exemple qui est assez parlant parce que c'est un exemple de violence qui n'a pas de sens en fait, qui n'a pas vraiment de raison. Et si on prend 3 secondes du recul, on se dit mais qu'est-ce que ça fout là? Et je trouve que c'est un exemple qui est ultra intéressant parce que ça pose question en fait. Pourquoi finalement on est violent? Pourquoi d'un seul coup, parce qu'on a bu un verre de trop, on se dit oh cool, j'ai envie de foutre des coups de poing à mon voisin de droite, etc. Et ça montre aussi qu'il y a quand même une part de violence qui est ancrée en nous, qui s'explique sans doute par des raisons psychologiques et que c'est pas un problème simple qu'on peut résoudre comme ça et que c'est vraiment quelque chose de profond aussi. On peut pas forcément très facilement le résoudre en disant oui, on parle et c'est bon. Ok, je vois. Et vous, particulièrement, est-ce que vous faites quelque chose pour lutter contre la violence? On parlait de coexistence active tout à l'heure, mais est-ce que vous faites d'autres choses pour lutter contre? Bah, je pense que déjà le fait d'être engagé à coexister, c'est déjà une grosse pierre qui est amenée à l'édifice. Parce que bah, coexister, c'est quand même une asso qui a pour but, entre autres, de lutter contre les formes de violence. Que ce soit les discriminations ou même d'autres formes de violence, bien entendu. Après, ce que moi j'essaye de faire dans mon quotidien, c'est de respecter un minimum les autres, voilà, de ne pas me mettre dans des situations qui pourraient engendrer de la violence, ou j'essaye d'éviter de la provoquer, même si après, bien entendu, je ne suis pas une sainte, et il m'est arrivé d'utiliser, je sais pas, de la violence verbale, ou ça m'est déjà arrivé de me mettre dans des situations comme ça, ou... Enfin, je vais pas vous dire que je suis parfaite et que je suis toujours loin, éloignée de la violence, mais j'essaye de m'en tenir écartée si possible. Très bien, très bien. Ouais, bah du coup, pareil, du coup, déjà comme dit Audrey, le fait d'être à coexister, on fait des sensibilisations, donc on va aussi apporter le modèle de la coexistence active auprès d'élèves ou alors, enfin, on a un public très varié auprès de qui on fait des sensibilisations, donc voilà, c'est le côté un peu éducatif, on fait aussi des événements contre les violences régulièrement. Il y a aussi le fait que ça apporte l'engagement à coexister dans mon quotidien personnellement, parce que du coup, comme j'ai appris le modèle de la coexistence active dont on parlait tout à l'heure, eh bien, au quotidien, j'ai des clés pour réagir face aux situations de violence. Donc, je disais tout à l'heure que j'étais particulièrement sensible. L'avantage, c'est que maintenant, je sais comment réagir face à ça pour pas déjà que ça me touche trop personnellement, mais en plus pour essayer de les arrêter, de les amoindrir. Donc, ça passe par l'écoute des victimes, entre guillemets, ou des deux parties, parce qu'en général, il n'y a pas... Enfin, il y a très souvent des situations de violence où la violence émane des deux côtés, disons. Donc, c'est l'écoute, c'est savoir comment réagir pour essayer d'arrêter sans... soi-même se compromettre. C'est des clés qui sont qu'on nous donne, qu'on a en main pour pouvoir réagir dans les situations au quotidien. Très bien. Et en vrai, je pense qu'il faudrait que tout le monde sache à peu près ces choses clés à faire pour essayer de réduire les conflits, etc. Parce qu'en soi, le dialogue, le fait d'essayer de comprendre l'autre, etc., ça peut beaucoup aider à la résolution de conflits mineurs qui peuvent être causés par des trucs complètement futiles, quoi. Ouais, absolument. On est toujours dans Coexprime avec Audrey et Léonore. On se retrouve après une interlude musicale avec Hit Me Baby One More Time de Britney Spears. A tout de suite. Retour sur Coexprime avec Eleanor et Audrey. Tout à l'heure, on parlait de la violence en général, et maintenant, on va se recentrer un peu plus sur la culture populaire, les films, etc. Donc, première question, dans la culture populaire, qu'est-ce que vous pensez de la représentation de la violence ? Alors, déjà, personnellement, je trouve qu'elle est un peu omniprésente, que ce soit dans les films, dans les séries, dans les jeux vidéo. Enfin, j'ai du mal à trouver une série ou un film sans qu'il y ait vraiment de violence, à moins que ce soit une comédie romantique un peu gnangnan, entre guillemets. Enfin, il y aura forcément une scène de violence à un moment donné. C'est aussi un peu ce qu'on cherche. Enfin, on aime bien, enfin, quand on dit une série, ouais, c'est une bonne série, il y a de la baston. Enfin, c'est aussi ce qu'on cherche, j'ai l'impression. Donc, ça pose beaucoup de questions sur... pourquoi elle est là, pourquoi elle est aussi représentée, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, c'est une part quand même de l'être humain, ce côté violent. C'est peut-être soit pour compenser parce qu'on n'exprime peut-être pas notre violence au quotidien et du coup, c'est un peu le truc de la tragédie grecque, là je trouve plus le nom, mais en mode on fait par... je trouve pas, par transfert un peu la violence des autres et du coup on expie notre violence intérieure comme ça. Bon, je pars un petit peu trop loin, mais du coup voilà, c'est les questions que je me pose quand je vois qu'elle est en tout cas représentée partout dans les films, dans les séries ou dans les jeux vidéo. Après, en soi, c'est quand même comme tu dis, une part de l'être humain et ça reste parmi un panel d'émotions qu'on peut représenter. On peut pas sous prétexte que la violence c'est à bannir, que faut pas non plus la censurer complètement, quoi. Ah, totalement d'accord. Et je pense que c'est important qu'elle soit là. Parce que déjà, pour moi, les films ou les séries, tout ça, c'est aussi une représentation de notre vie au quotidien, de manière un peu exagérée, romancée, etc. Mais si elle n'existait pas dans les films, c'est qu'il y aurait un problème. C'est que ça ne représenterait pas la société dans laquelle on vit. Donc évidemment, c'est normal qu'elle soit là. Après, juste par rapport à ce que tu dis sur le fait que ce soit une émotion et quelque chose qui fait partie de l'humain, je suis d'accord. Mais personnellement, j'ai quand même la croyance, peut-être idéaliste, qu'on pourrait la supprimer totalement. Moi, je pense dans la culture pop qu'il y a vraiment eu, et ça, c'est pas juste moi qui le dis, il y a aussi des observateurs, des spécialistes des séries qui l'ont observé, il y a vraiment eu un après et un avant Game of Thrones. Depuis que cette série est sortie, il y a comme un besoin, alors je dis pas qu'il n'y avait pas de violence avant dans les séries, mais il y a comme un besoin d'avoir plus de violence, plus de sang, plus de violence montrée surtout, et pas juste suggérée, mais dans les séries. Et ça, c'est un truc que je lisais, je sais plus où, par rapport au monde des séries, et les observateurs le disent de plus en plus, que cette série, elle a catalysé en fait l'espèce de violence cool en fait qu'on retrouve dans beaucoup de séries maintenant. Et il y a cette espèce d'avant-après Game of Thrones maintenant qui a été marquée un peu par cette série. Après, peut-être que ça l'a un peu décomplexifié et que du coup les gens montrent plus qu'ils aiment les séries un peu violentes, etc. Bah, je pense qu'au-delà de la décomplexifier, ça l'a décomplexé, je pense, surtout. Parce que maintenant, là, c'est comme si c'était un peu cool de regarder une série où il y a du sang, où c'est gore. Et ça, je trouve qu'avec le phénomène Game of Thrones, ça a été vraiment marqué. Il y a eu vraiment une fracture à ce moment-là. Pour le coup, j'avais jamais remarqué ça. Bah, parce que, enfin, moi, la dernière série qui m'a marquée sur ce style, c'est Squid Game, quand même. Parce que, en fait... Oui, ok, c'est important de représenter aussi la violence dans la culture pop pour représenter la société. Mais là, du coup, Squid Game, donc, c'était quand même extrêmement violent et c'était tourné sous forme de jeu, en mode c'est normal et venez, c'est ludique. Et ce qu'on a vu après la série, qui a quand même un peu marqué tout le monde, c'est qu'on a vu énormément de violence, notamment dans les cours de récré, parce qu'on jouait, à 1, 2, 3 soleil, et puis du coup, on tapait celui qui bougeait, etc. C'est ressorti après, et c'est là aussi où on se dit, ouais, ok, c'est normal de représenter la violence, mais il faut quand même réfléchir à c'est quoi les effets après sur les gens qui regardent cette série. Après, je pense que, pour reprendre ton exemple, ça, c'est surtout une question d'éducation. Genre, tu vas pas montrer une série hyper violente à un gosse qui est encore au collège, quoi, ou même avant, tu vois. C'est parce que faut savoir que déjà à partir de 5 ans, l'enfant il commence à comprendre que ce qu'il y a sur l'écran c'est différent que ce qu'il y a dans la réalité. Et après, au fur et à mesure de la construction psychologique de l'enfant, il va se rendre compte que bah il faut faire une dissociation entre ce qu'il voit et le comportement qu'il doit avoir. Donc, c'est sûr que il faut qu'il y ait un rôle des parents qui est d'empêcher les enfants de regarder des trucs qui ne sont pas bons pour eux, quoi. C'est pour ça qu'il y a des restrictions d'âge pour certains jeux vidéo, certains films, etc. Après, ça veut pas dire que il faut absolument atteindre cet âge pour jouer, regarder ce film, etc. C'est que ça dépend de la maturité de chacun. Mais il faut dans tous les cas que il y ait un rôle des parents de censurer, entre grosses guillemets, certaines choses aux enfants, le temps qu'ils se développent, qu'ils soient assez matures. Je suis entièrement d'accord avec ça. On revient sur la question de l'éducation qui, pour moi, est primordiale pour lutter contre les violences. Ça, c'est sûr. Maintenant, ce qui est certain, c'est que empêcher les enfants de regarder des films violents, malheureusement, c'est très compliqué à faire. Et le problème de Squid Game, c'est que, ok, il y avait quand même beaucoup d'enfants qui l'ont regardé parce qu'elle avait cet aspect ludique et qu'on avait l'impression que c'était un jeu d'enfant. Enfin, c'est quand même le scénario de la série. Et du coup, le problème derrière, c'est que ces enfants qui l'ont regardé, eux-mêmes vont amener la violence dans les cours de l'école auprès d'enfants qui peut-être n'avaient pas regardé la série, qui peut-être étaient éduqués différemment, mais qui, du coup, vont apprendre la violence sur la cour de l'école. Donc, ça a quand même un impact compliqué. Ouais, justement, parce que y a un accès un peu trop facile à ce genre de série, tu vois. Il n'y a pas assez de contrôle parental au niveau de ce que les enfants y regardent, tu vois. Genre, maintenant, je vais faire le boomer, mais ils ont des téléphones super jeunes, ils ont accès à Internet super jeune, et ça fait qu'ils ont accès à des choses, bah, plus violentes ou que des choses que nous, par exemple, on n'a pas vues quand on était plus jeunes, qui peuvent amener à des comportements un peu excessifs. Ouais, des comportements excessifs, et puis à de la curiosité un peu morbide, tu vois, à vouloir toujours se renseigner sur plus gore, toujours plus, tu vois. Ouais, ça, c'est un comportement... Enfin, je pense que ça ne touche pas que les jeunes, c'est de manière générale, on est quand même vachement attiré pour les trucs... glauque et morbide. Enfin, je veux dire, ne serait-ce que quand on regarde les affaires criminelles un peu, le nombre de personnes qui sont attirées par ça, et quand t'as une histoire un peu qui fait peur à raconter, ça attire tout de suite l'intérêt, et c'est ça qui est super perturbant, c'est que d'un côté on sait la plupart du temps que ouais, la violence c'est mal, mais d'un autre côté on a cette attirance qui est presque... Enfin, qui est chelou, enfin, qui est bizarre et qui nous amène à vouloir toujours s'intéresser et à aller regarder des trucs de plus en plus glauques, en fait. Oui, mais de toute façon, c'est totalement humain, la curiosité. On peut pas s'empêcher de faire ça. Mais faut quand même se dire que avoir accès aussi facilement à certaines choses, ça amène à des dérives qui sont assez, assez graves, quoi. De regarder Squid Game alors que t'es pas assez mature pour comprendre, pour essayer de dissocier le fait des violences, etc., te dire que c'est une série, que tu dois pas faire ça en vrai, faudrait quand même qu'il y ait un certain contrôle parental, quoi. Totalement, et on vient aussi, du coup, tant que t'es sur le téléphone, aux réseaux sociaux, parce que c'est pareil, du coup, actuellement, t'es au collège, t'as tout accès à tous les réseaux sociaux facilement, et si tu les as pas, c'est aussi compliqué pour ta vie sociale, entre guillemets. Et du coup, ça peut être très problématique, parce que c'est extrêmement difficile de les contrôler, et c'est là-dessus qu'il y a beaucoup, beaucoup de harcèlement qui se crée, et qui renforce en plus le phénomène de harcèlement, puisque un enfant qui rentre chez lui, il aura toujours son portable à lui, il a même plus de bulle de sécurité, entre guillemets, à cause de ces réseaux sociaux-là. Ouais, c'est ça, maintenant, le harcèlement, il va plus s'arrêter seulement au collège, au lycée, à l'école, ça va aussi continuer via les réseaux sociaux, via les messages, etc. C'est un truc en plus qui fait que ça peut encore plus détruire, parce que t'as plus de moments de répit, quoi. Donc, concrètement, je pense que actuellement dans la situation, il faut encore plus renforcer l'éducation contre la violence et donner de plus en plus de moyens aux personnes pour les soutenir en cas de violence. Et est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut trouver de l'aide quand on est une victime de violence? Bah, il existe déjà des associations, il y a des numéros d'appel, je crois qu'Eléonore pourra vous en donner un. Il y a différentes structures aussi. Enfin, après, ça dépend en fait de la violence dans laquelle vous êtes victime. Par exemple, je sais qu'il existe des plateformes internet, pardon, qui sont mises en place pour permettre aux femmes de porter plainte plus facilement lorsque leur conjoint est violent avec elles. Il existe des structures qui sont plus adaptées pour les discriminations, pour les enfants. Enfin, ça dépend vraiment du type de violence. Mais si je ne me trompe pas, Éléonore a un numéro assez intéressant d'une association qui est assez active. Ouais, du coup, celle que je voulais donner, pour moi, c'est la plus importante, c'est France Victime. Notamment, il y a France Victime 54. Donc, dessus, il y a, enfin, si on les contacte, il y a un numéro vert. On peut trouver ça sur Internet. Il y a aussi, du coup, énormément de documentation pour tous les types de violences, des contacts. Et il y a un truc qu'ils ont mis en place que je trouve super intéressant. Ça s'appelle Mémo de vie. C'est une plateforme, donc c'est pas sur le portable parce que c'est pour principalement pour les violences conjugales, donc ça permet aussi de pas être accessible facilement, de pas être trouvé sur le portable. En fait, c'est un peu un journal de vie dans lequel on peut mettre tout ce qu'on a vécu. Ça permet à la fois de constituer un dossier crédible si on veut porter plainte, et aussi pour soi-même si on n'est pas sûr qu'on est victime de violences conjugales, mais ça marche aussi pour le harcèlement, de retrouver dans notre passé ce qu'on aura écrit et de se dire, ah oui, quand même, c'est pas juste moi qui suis folle et qui n'étais pas bien sur le moment, c'est concret et réel. Et il y a vraiment plein de petits trucs qui sont vachement bien pour la sécurité, etc. Donc, je conseille vraiment, s'il y a un problème, d'aller là-dessus. Ça s'appelle Mémo de vie. D'accord. Dans tous les cas, il faut savoir que vous pourrez toujours trouver de l'aide, que ce soit envers vos proches. Vous pouvez regarder sur Internet, il y a plein de plateformes d'aide, des numéros verts, etc., des personnes avec qui vous pouvez discuter. Si vous êtes étudiant, vous avez droit à une douzaine de séances de psy gratuites, payées par le CROUS. Vous avez juste à vous renseigner auprès du CROUS et vous pourrez avoir vos séances remboursées. Mais dans tous les cas, il faut savoir que vous n'êtes jamais seul et que vous aurez toujours un moyen de trouver de l'aide. Il ne faut pas vous laisser abattre et ayez du courage si vous êtes victime de ce genre de choses. C'était votre émission Coexprime avec Audrey, Éléonore ainsi que moi-même. On se retrouve dans 2 semaines pour Coexprime, une émission de jeunes entre différentes convictions.